Du troisième poète symboliste annoncé au départ, Émile Verhaeren, j'ai retenu les quatre poèmes suivants, écrits entre 1886 et 1902.